traverser les champs et éviter les mines pour conquérir son destin. Beaucoup seraient prêts à tout, nous on veut donner du goût à ce festin. La volonté d'être riche, tendant le cœur qui est sur l'affiche de paix. Vivre la conscience en paix, garder les sourires et cacher les peines. Traverser le feu, s'il le faut les enfers. Ne plus remettre à demain ce qu'on aurait dû faire hier. Sur le char de nos espérances, nous prendre à seule existence. Aller de chemin en chemin, tenter d'entendre chanter nos anges. Prendre des allées sans retour, prendre des allées sans retour. Prendre des allées sans retour, des allées sans retour. Prendre des allées sans retour, un seul peut devenir fou. Jusqu'au linceul, jusqu'au bout. Prendre des allées sans retour. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez sans forger son armure, s'entraîner au combat, être maître de son destin. Bâtir son empire à la sueur de son front, le construire à la force de ses mains. Garder l'esprit en éveil, cultiver la curiosité. Promesse de sommeil dans la mort, tu ne sais pas quand elle va t'arrêter. On en a vu tomber, dévasté de regrets. On s'efforce de ne pas oublier, comme une piqûre de rappel. Sur le char de nos espérances, on prend la seule existence. Aller de chemin en chemin, tenter d'entendre chanter nos anges. Prendre des allées sans retour, prendre des allées sans retour. Prendre des allées sans retour, des allées sans retour. Prendre des allées sans retour, un point seul peut devenir fou. Jusqu'au linceul, jusqu'au bout. Prendre des allées sans retour. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez sans jamais revenir. Allez, allez, allez sans ne jamais revenir. Allez, allez, allez, allez, allez sans retour et ne pas se retourner. Des allées sans retour et ne pas se retourner. Prendre des allées sans retour et ne pas se retourner. Des allées sans retour et ne pas se retourner. Prendre des allées sans retour. Prendre des allées sans retour. Prendre des allées sans retour. Prendre des allées sans retour, un point seul peut devenir fou. Jusqu'au linceul, jusqu'au bout. Prendre des allées sans retour. T'as rien à faire, t'as rien à faire. Qui vient, qui vient. Suis tes besoins, suis ton destin. Qui vient, qui vient. Prends ton allée sans retour. Et qui vient, qui vient.